une histoire particulière. Un récit documentaire peut raconter une intrigue, un fait divers ou singulier. Il vous fait découvrir un univers, des témoignages et vous fait voyager. En deux épisodes. C'est histoire de vous donner envie de me retrouver pour écouter la suite, demain à la même heure. Mais parlons d'aujourd'hui. Et parlons d'une date, le 16 août. C'est une date qui inspire aux vacances, au soleil, souvent de plomb. Le 16 août, c'est la date anniversaire du comédien Clovis Cornillac et du skieur alpin suisse Didier Cuche. C'est un 16 août qu'Elvis Presley nous a quittés, et également le jour de la mort d'Amin Dada, l'ancien dictateur ougandais. C'est aussi un 16 août que 152 Français de Martinique trouvèrent la mort dans un crash d'avion au Venezuela. Ce n'est pas très réjouissant, mais ça va être encore pire quand vous découvrirez ce qui s'est passé le 16 août 1870, date des faits de l'histoire d'aujourd'hui, que vous racontent Olivier Chaumel et Yvon Croisier. C'est par hasard qu'on m'a raconté en quelques mots cette histoire sur les lieux mêmes. Un jour que j'étais en voiture avec quelqu'un de la région, que nous passions dans le petit village de Haute-Faille, la personne avec qui j'étais a tendu la main vers un lieu en haut du village et m'a dit « Ah ben tiens, c'est là qu'on a brûlé M. de Monéis. » En juin de cette année-là, le thermomètre a dépassé 30 degrés à Périgueux. Il faut y ajouter la sécheresse et on sait bien qu'un malheur n'arrive jamais seul. Je lui dis quoi ? M. de Monéis ? Oui. Le drame de Haute-Faille. Certains départements comme la Charente, la Haute-Vienne et la Dordogne n'auront que très peu de blé, de céréales, de fruits, de légumes. Un journal local écrit « Le bétail sous-alimenté crève de faim. L'eau manque partout. C'est un désarroi général. » Ah bon ? Et vous n'en saviez absolument rien à ce moment-là ? À ce moment-là, je n'en savais rien. À ce désastre naturel s'ajoute la guerre contre la Prusse de Bismarck, déclarée le 19 juillet. On avait dit alors que l'empereur Napoléon III serait à Berlin dans les 15 jours. 15 jours plus tard, hélas, il faut déchanter. Et j'ai demandé à cette personne, d'ailleurs, de me raconter un peu plus. Non seulement Napoléon III, qui est chef des armées, est malade, non seulement les Prussiens ont envahi le territoire national en Lorraine, mais le thermomètre monte à 40 degrés. Et il m'a dit, oui, ben, c'était pendant la guerre 70... Des gens ont attrapé M. de Monéis et l'ont brûlé, là. C'est la ruine. La ruine pour des millions de paysans qui ont voté pour Napoléon, empereur des Français. On est trahis, pense-t-il. Et les traîtres qui profitent de la misère générale, ce sont les nobles, les républicains ou les curés qui sont tous à la solde des agents de Bismarck. Et j'ai voulu en savoir davantage. J'en ai parlé à des gens là-bas qui m'ont dit qu'ils étaient au courant, en effet, de cette histoire. J'en ai parlé aussi à ma mère qui, tout d'un coup, m'a raconté « Ah oui, Haute-Faille, oui, il s'est passé des choses horribles là-haut. » C'est dans cette atmosphère de faillite, de misère et de trahison que s'ouvre la foire aux bestiaux de Haute-Faille, le 16 août. Tout d'un coup, dans la mémoire de ma mère, ça évoquait quelque chose. Elle me disait, quand nous allions nous promener, quand j'étais jeune, avec mes amis, qu'on faisait des promenades dans la campagne, on évitait toujours Haute-Faille. On évitait Haute-Faille parce que quelqu'un nous avait raconté qu'il s'est passé des choses abominables là-haut. Bon. Ma mère n'en savait pas beaucoup plus que ça. Elle savait qu'on avait brûlé quelqu'un. Bon. Mais ce qu'elle avait gardé dans son souvenir, c'était l'impression d'un lieu de malédiction. Haute-Faille, 16 août 1870. Olivier Chaumel, Yvon Croisier. Tout d'abord, c'est la violence extrême qui frappe. Bien entendu, puisque cette foule de 600 à 700 paysans s'en prennent à ce malheureux Alain de Monéis et le traîne, le tape, le brutalise, le brûle, etc. Bon, la violence qui était restée inexpliquée, inexplicable, et qui d'ailleurs conserve une grande partie de son mystère. Alors peut-être, Alain Corbin, on peut essayer de donner un récit à peu près objectif de cet après-midi-là, du 16 août 1870. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une foire. Nous aurons peut-être à y revenir parce que c'est quelque chose de très important. Il s'agit d'une foire qui rassemble 600 à 700 personnes, pour l'essentiel des éleveurs, bien entendu, et une foire qui se trouve à la limite de deux départements, celui de la Dordogne et celui de la Charente. Cette situation en limite est assez importante parce que à l'époque, l'autorité se fait moins aisément sentir sur les territoires de limite. La foire se déroule en deux étapes. Il y a l'étape du matin, qui est une étape d'exhibition des marchandises, je veux dire, qui sont là, évidemment, du bétail pour l'essentiel. Et ensuite, il y a toutes les conversations, les débats, si je puis dire, entre acheteurs et vendeurs. Il y a la station à l'auberge qui permet de, finalement, sanctionner en quelque sorte ces discussions. On boit, il fait chaud. Et c'est un lieu d'excitation, en quelque sorte, assez spontané dans l'après-midi. Alors, vous savez qu'on appelle cette région le Périgord vert. À l'époque, c'était une région de propriété tout à fait moyenne, des propriétés 100, 200, 300 hectares. Il n'y a pas de propriété immense ici, et qui était divisée en métairies. Hein, dans chaque propriété, il y avait 2, 3, 4, 5, 6 métairies qui regroupaient entre 20 et 30 hectares. Et ce que vous voyez sous Bretange, eh bien, ce sont les anciennes métairies de Bretange. On est exactement en face de Bretange, qui se trouve de l'autre côté de la vallée, Alain Ribadeau-Dumas. Oui, oui, Bretange, c'était la propriété d'Alain de Monéis. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez retracer par l'imagination le parcours d'Alain de Monéis, hein, ce 16 août 1870 ? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un drame qui a été épouvantable et qui a laissé dans la région un souvenir extrêmement désagréable. C'est pour ça que, vous l'a dit, beaucoup de personnes ne veulent pas en parler. C'est quelque chose qui a frappé tous les esprits et qui reste encore comme un très mauvais souvenir. Alors Monéis, il habitait donc à Bretange, Alain de Monéis. Il était descendu à cheval jusqu'à Hautefaille. Ça fait 5 ou 6 kilomètres Oui, à peu près, c'est ça. Il y serait allé parce que il avait des bœufs à vendre pour pouvoir réparer la maison d'un de ses voisins qui avait brûlé récemment. Il faut dire que Monéis était un homme extrêmement serviable. Bon, il faisait partie du conseil municipal. Pour montrer à quel point il s'intéressait à l'agriculture et au pays, il avait monté un groupement dont le but était d'assainir la vallée de la Nisonne. Et Monéis, donc qui était assez philanthrope, il était parti au Hautefaille puisque c'était un jour de foire. Il voit tout le monde attroupé et il ne se rend absolument pas compte qu'il y a eu auparavant ce différend, cette petite discussion avec son cousin, monsieur de Maillard. Alors que se passe-t-il à partir de 13 ou 14 heures ? Oui, alors le premier incident concerne un parent. Alain Corbin. Un jeune parent de la future victime, donc d'Alain de Monéis, qui était un aristocrate aussi, qui se fait traiter de républicain. Ce cousin a bien vu l'ambiance, c'est-à-dire des gens un peu avinés déjà, excités, inquiets, il fait chaud, etc. Il est parti en courant. Il a perçu le danger. Et c'est à ce moment... Il semblerait qu'il ait bien fait. Oui, ça, à coup sûr. Et il est en bottine, nous dit-on. Ce qui est intéressant, parce que la plupart de ces paysans sont en sabots. Et quand on est en sabots, il est difficile de rattraper quelqu'un qui est en bottine. C'est une petite chose qui a sans doute sauvé ce monsieur. À ce moment-là, son cousin Alain de Monéis arrive pour acheter, tout simplement, pour son domaine. Et évidemment, le transfert se fait aussitôt. Voilà encore un républicain. Et lui n'a pas compris l'essentiel de l'affaire, à mon avis, dans le domaine des représentations politiques. Il a eu très peu de temps pour comprendre. Il a eu d'autre part peu de temps pour comprendre. Mais l'essentiel de l'affaire, me semble-t-il, c'est que lui, qui appartient à l'élite, sait ce que sont des républicains, des partisans de l'empereur, des bonapartistes, disons, des aristocrates partisans de la restauration, donc des légitimistes, etc. Il a des cadres politiques. Et il ne comprend pas que les gens qui s'en prennent à lui n'ont pas les mêmes représentations politiques et les mêmes logiques. Alors il tente de les convaincre. De leur expliquer. Et c'est son erreur. En leur disant, mais je ne suis pas, bien entendu, que je ne suis pas républicain. D'abord, socialement, son passé, sa localité, etc. Hein. Il explique tout ça, mais ça n'a aucun effet. Et quelqu'un lance aussi l'idée que c'est un Prussien. Il a été traité de Prussien, ça c'est très intéressant, ça fait penser aux thèses de René Girard sur le bouc émissaire. Évidemment, on voulait s'en prendre aux Prussiens puisqu'on craignait leur arrivée. On craignait leur arrivée, on craignait qu'ils brûlent les villages, les demeures, etc., qu'ils se livrent à toutes sortes de violences, alors il faut exorciser cette violence. Alors si on en tient un... Évidemment, c'est intéressant, d'autant plus si on en tient un qui est en même temps républicain, comploteur, tout ça se mélange, les cris se mélangent, républicain, prussien, et finalement c'est ça qui l'emporte, il y a un prussien, et donc il subit les premiers coups. Vous savez, c'est la folie des foules, ils avaient tous beaucoup bu, et donc ils étaient excités. Bon, il y avait des grands problèmes en France à l'époque, puisqu'il y avait les guerres de l'empereur, avec les mauvais résultats que l'on connaissait. Alors, l'affaire de Hautefaille est exactement inscrite dans la durée de la guerre de 70. Ah oui, c'est tout à fait dans ce contexte, puisque on a accusé ce pauvre Monéis d'avoir donné de l'argent pour la Prusse. Bon, ce qui était évidemment absolument faux. Hein. Tout à fait inventé, mais tous les esprits à l'époque étaient très très touchés et très bouleversés par ces problèmes de guerre, dont d'ailleurs certains jeunes du pays étaient donc dans les guerres et même certains avaient été tués. Donc c'était quelque chose qui était extrêmement sensible. Les rumeurs courent parce que la foire, qui est à la fois un lieu de vantardise, mais aussi un lieu de rumeurs, est très favorable à cela. Et il y a là quelques brutes, on peut le dire, si vous voulez, tels qu'un colporteur, par exemple, qui vient d'apprendre que son fils, je le cite, est en 1000 morceaux, c'est-à-dire qu'il a été tué vraiment dans une des batailles de Forbach, par exemple, ou de Saint-Privat. Et évidemment, cela fait monter la colère. Et d'autre part, c'est la défaite de l'empereur. Or, ces paysans de la Dordogne et des régions voisines, de la Charente, sont très largement favorables à l'empereur, Napoléon III. Et puis les premières défaites font naître comme une obsession de la trahison. Oui, absolument. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait un climat qui était un peu contre les châteaux, contre la noblesse, sans que l'on sache exactement pourquoi. Il ne faut pas oublier que... On n'était pas tellement loin de la Révolution encore. Mais dans toutes les études qui ont été faites sur Hautefaille, on vous dira toujours que la famille de Monéis était au contraire extrêmement bien vue dans le pays. Donc on ne peut absolument pas dire que c'est une question d'exploitation de Monéis envers ces métayers ou les personnes du pays qui ait déclenché cette affaire. Alors en plus, on lui prête un certain humanisme. Tout à fait. C'est plutôt un bon patron, quoi. C'était un bon patron qui s'était engagé lui-même, après avoir été réformé, il avait donc été réformé parce que physiquement il était trop faible, bon, il s'est lui-même engagé pour aller combattre. Ce qui prouve qu'il n'était pas du tout contre la défense du pays, au contraire. Peut-être est-ce dans la salle basse d'un misérable débit de boisson que Chevillard et Maquignon, plus ou moins pris de vin et d'eau de vie, échangèrent des propos chargés de colère et de haine contre tel ou tel ennemi de l'empereur, espion prussien ou républicain vendu à des Bourbons. Toujours est-il qu'au hasard des vantardises, des bravades et des interjections furieuses, on entendit ce cri. Qu'il en vienne seulement un seul de ces traîtres, et on lui fait son affaire. Le malheur est qu'à cet instant précis, paraît Alain de Monès, 33 ans, demeurant au château de Bretange, commune de Beaussac. On le connaît. On sait qu'il est l'adjoint du maire de Beaussac. Ce noble est là comme pour nous narguer. On le regarde, on s'approche. Alain de Monès sourit, les yeux brillent. Il y a un drôle de silence et tout à coup une voix. Il paraît que vous avez dit « Ah bah Napoléon et vive la République !» De Monès s'en défend, dit qu'il est venu à Hautefaille pour saluer des amis avant de rejoindre son régiment. Il aurait pu se faire remplacer, mais non. Il veut faire la guerre, il est pour l'empereur. Peu importe, personne ne l'écoute, personne ne le croit. De Monès est jeune, beau, noble, et cela suffit. Tout le reste n'est que fumée. Le traître, le voilà. Ce n'est pas à la guerre que tu vas, c'est chez les Prussiens, lui dit-on. Et ça tourne au vinaigre. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui autour tentent d'expliquer à la foule, mais ce n'est pas un Prussien, c'est monsieur de Monès qui habite à quelques kilomètres. Et c'est ça qui est... C'est très intéressant, c'est de voir que la foule ne se laisse pas convaincre comme si elle avait absolument besoin de tenir un Prussien. Et lui, jusqu'au bout, ne comprenait pas, se défendait mal. Georges Marbeck. Et puis, il y a eu une sorte d'enchaînement terrible de la violence. On a commencé à lui donner des coups. Et lui, effectivement, à la différence de son cousin... Qui s'est bien défendu parce qu'il a senti que ça allait mal tourner, lui, il ne comprenait pas, je veux dire. Mais il y a une mécanique monstrueuse qui s'est mise en marche. Et ça s'amplifie sans cesse, en fait. Et ça s'est amplifié sans cesse, comme si c'était une mécanique de violence qui se nourrissait elle-même. Le malheureux de Monès est dans un triste état. Le sang coule le long de sa joue. Une voix amie lui dit « Venez, monsieur, venez, on va vous conduire en lieu sûr !» Mais la populace excitée, ignorante, crie « Vengeance !» On entend des hurlements « On le tient, on ne le lâchera pas !» Le maréchal Ferrand de Pouvrière, le nommé Chambord, brandit une canne et dit « Ne le laissez pas échapper, ce salaud de comploteur !» La situation est tragique. François Panazol, cousin d'un des métayers d'Alain de Monès, se précipite. Court dans le village pour essayer de rassembler des gens calmes et sensés et pour tirer d'affaire Alain de Monès. Il s'adresse aux uns et aux autres. « Mais aidez-nous, il faut le sauver, l'arracher des mains de ces gens. Venez, venez !» 5 de ces derniers se rendent à l'appel de Panazol et courent vers l'endroit du drame. Mais ils doivent vite battre en retraite. En effet, tels des chacals tenant leur proie, les assaillants ne veulent pas le laisser s'échapper et des cris retentissent. « On va pendre le Prussien !» Quelqu'un a dit « Il faut le pendre. » Alors, on a tendu une corde, on a essayé de le pendre, mais la corde a cassé, donc... Le maire qu'on est allé chercher, qu'il connaissait, a eu une attitude assez moche et assez ambiguë, de pleutre, parce que il avait peur qu'on vienne tout casser chez lui, s'il le défendait. Sa femme a fermé la porte à des gens qui voulaient défendre Alain de Monès en disant « faut pas les laisser entrer, ils vont casser ma vaisselle ». Bon, donc il y a eu une espèce de démission de la seule autorité du village, de la commune, et le maire s'est débiné. Le curé tente de sauver son ami, sa connaissance. Il sort avec son revolver, mais très vite, la foule très anticlérical par ailleurs, dans cette région, ce qui est... C'est un anticléricalisme un peu particulier. Oui, mais c'est un anticléricalisme qui provient du fait de l'idée qu'il y a un complot aristocratique, une alliance entre les prêtres et les nobles pour restaurer l'Ancien Régime. Et par conséquent, la dîme. Alors que nous sommes en 1870. Donc certains commencent à crier, il faut les prendre tous les deux et les mettre en croix. Évidemment, le curé prend peur, rentre dans son presbytère et très intelligemment, si je puis dire, il invite les premiers assaillants de son presbytère à sa table en leur disant « Je vais vous déboucher de bonnes bouteilles de vin », ce qu'il fait, et de ce fait, il calme l'hostilité des assaillants, mais l'affaire continue pour le malheureux Alain de Monéis. Le curé, s'imaginant qu'il allait calmer les assassins en leur offrant à boire, les a tous attirés, en a attiré une partie d'entre eux au presbytère, a mis en perse une barrique et les a fait boire. C'est-à-dire qu'il les a saoulés encore davantage. Et puis une fois qu'ils ont rebu des bons coups, ils sont ressortis, ils sont allés retaper sur leurs victimes qu'ils avaient laissées à leurs compères, etc. Donc, il y a une sorte de relais qui s'opère. Voilà, un relais qui s'opère. Et jusqu'au bout, on se dit, il va s'en sortir. À un moment, d'ailleurs, lui-même, Alain de Monéis, a eu un sursaut. Il s'est emparé d'une fourche, il s'est retourné contre ses agresseurs. Et il a voulu vraiment se défendre parce qu'il se défendait mal, parce qu'il comprenait pas pourquoi on l'en voulait. C'est ça. Et cette attitude l'a cruellement desservi. Et alors là, on constate quelque chose, c'est que chacun veut porter un coup. Chacun veut taper. Et chacun est invité à porter un coup pour bien montrer qu'il participe et qu'il ne se désolidarise pas des assaillants. Et puis le colporteur a un croc qui est particulièrement redoutable, et il en frappe Alain de Monéis à la tête. Et donc ce malheureux jeune homme, il a une trentaine d'années, a la tête en sang, et roué de coups, mais ses amis ont l'idée de le sauver en le faisant entrer dans un toit à porcs. C'est-à-dire, vous pouvez d'ailleurs visiter encore aujourd'hui à Hautefaille ces petites venelles. Et c'est une toute petite cabane en pierre, un toit à porc. Mais oui, mais ça a été tout à fait inefficace parce que la foule étant tout autour de ce toit à porc est entrée à déloger ceux qui étaient réfugiés avec lui. Ils ont offert une barrique de vin, ça n'a rien donné, c'était trop tard. L'un a proposé de le mettre sur le travail du maréchal Ferrand, ça c'est terrible, parce que ça évoque les tortures, en quelque sorte, et les supplices d'Ancien Régime. Hein. C'est-à-dire que toutes ces scènes évoquent des massacres à l'ancienne, je dirais. C'est-à-dire le plein jour, le midi, quoi, hein, le soleil, la foule, la participation collective, la vantardise, les cris... s'en prendre aux éléments du corps qu'on cherche à démembrer, et ensuite la dégradation du cadavre, le moment venu. Tout ça, c'est un schéma bien connu qui a été étudié par des historiens comme Denis Crouzet, Emmanuel Leroy-Ladurie, et le 19e siècle français ne supporte plus ce type de massacre. On peut les compter sur les doigts de la main, et celui d'Hautefaille est très intéressant de ce point de vue, parce qu'il me semble représenter une relique, si vous voulez, un reste. Un décalage temporel très intéressant, parce qu'il permet de mieux comprendre ce qu'était le massacre, je dirais à l'ancienne, hein, par rapport aux autres. Donc ce pauvre Alain de Monéis est quasiment mourant. Alain de Monéis s'est retrouvé enfermé dans l'atelier du maréchal Ferrand. Et là, dans l'excitation générale, des paysans, des gens qui avaient beaucoup bu ce jour-là. Dit, et d'un cépage aujourd'hui interdit. D'un cépage interdit. Ça, c'est vous qui le soulignez, hein, oui, Georges Marbeck. Oui. Le noir. Le vin de Noah, oui, on dit que le vin de Noah, c'est le vin qui rend fou. Et les gens avaient pas mal bu de ce vin de Noah. Et donc, il y avait une espèce d'ivresse folle dans l'air. Quoi. Bon. Donc, cette mécanique a continué. On l'a enfermée dans l'atelier du maréchal Ferrand. Il y en a qui se sont mis à crier, il faut le ferrer comme un bœuf. Alors on l'a attaché à cette espèce d'appareil terrible qu'on appelle un travail à ferrer, qui est formé de 4 énormes poteaux de bois sur lesquels on attachait les bœufs ou les chevaux pour les ferrer. Bon, on a attaché ce malheureux-là. On a menacé ou on a essayé de lui arracher les ongles avec des tisons, etc. Enfin, les horreurs ont continué. Coup de galoche en plein visage, de grosses touffes de cheveux sont arrachées. Le sang inonde la chemise de Demoneis. Il est traîné par la chevelure et les pieds jusqu'à un tas de fumier. Frappé sans cesse à coups de bâton, à coups de crochet et de fourche, on voit alors se fermer peu à peu les volets des fenêtres. Presque tout le village abandonne Alain à ses persécuteurs. Quant aux amis de l'espion du Prussien, ils sont prévenus d'avoir à se tenir à l'écart, faute de quoi on leur fera subir le même sort. L'horreur que l'on a du mal à décrire continue. Demoneis a perdu connaissance. Des hommes courageux le prennent, veulent l'emmener à l'auberge proche, mais la porte reste close. Alors la victime est reprise en main par ses persécuteurs. Le bouvier Jean Campo prend une brouette et la passe sur le corps de Demoneis étendu sans connaissance. Et puis, dans cette folie meurtrière, il y en a qui ont dit maintenant... Maintenant qu'on l'a ferré comme un bœuf, il faut le brûler comme un cochon. Bon. Donc on dit oui, bon, on va édifier un bûcher et puis on va le brûler. C'est venu comme une espèce d'évidence, quoi. Et c'est ça que je trouve terrifiant et c'est ça qui m'a fasciné dans cette histoire. Comment est-ce que cette mécanique de l'horreur peut se mettre en marche dans une population de gens ordinaires, c'est-à-dire de gens qui étaient des marchands forains, des artisans, des paysans, des gens qui avaient une vie normale avec leurs tensions habituelles, leurs frustrations habituelles, mais qui étaient des gens qui vivaient normalement et dont aucun n'avait un passé de délinquance. Bon. Comment ces braves gens, entre guillemets, peuvent devenir des monstres? Le corps est traîné ensuite vers le champ où s'allume chaque année le feu de la Saint-Jean et l'on voit des gens jeter sur ce corps meurtri des brindilles, de la paille et des branches tandis que le nommé Buisson lacère la poitrine du mourant et lui crève un œil. Le jeune Tibassou arrive sur les lieux avec des allumettes et c'est le feu. On entend un dernier cri issu de ce corps exsangue, un râle horrible. Adieu le Prussien, adieu l'espion. Hautefaille 1870, Yvon Croisier, Olivier Chaumel. Fin de la première partie. Voilà, c'était le premier épisode. La suite du crime de Hautefaille, mangez-le si vous voulez, c'est demain, dimanche, à 13h30.